Quelle soupe excellente! Прослушайте текст и расскажите, из чего бродяга готовил свой суп. Un jour d'automne, un vagabond frappe à la porte d'un paysan. Monsieur, dit le vagabond, je vous en prie, j'ai très froid. Permettez-moi d'entrer pour me chauffer. Il fait très froid aujourd'hui. Le paysan lui permet de s'asseoir devant le fourneau, où il y a une casserole d'eau bouillante. Le vagabond sort un bâton court de sa poche et dit à la paysanne « Puis-je mettre ce bâton dans l'eau pour en faire une soupe ?»« Faire de la soupe au bâton » dit-elle, fort étonnée. « Bien sûr. » Quelques minutes passent. La soupe bout sur le feu. Le vagabond demande à la maîtresse de la maison un oignon. Puisque ça ne coûte pas cher, la paysanne lui donne un oignon. Le vagabond voit qu'elle s'intéresse beaucoup à sa soupe délicieuse. Ensuite, il demande et reçoit aussi une pomme de terre, un morceau de viande, des haricots, des petits pois, du lard et toutes sortes d'autres légumes. À la fin, il demande même du sel, du poivre et du pain. La soupe préparée, le paysan se met à table et commence à manger seul la soupe. Ensuite, il lave le bâton et le donne à la paysanne. Le mari de la paysanne se met en colère devant cette tromperie. « Je donne à manger à ma vache parce qu'elle me donne du lait et du beurre. Mais ça ne me plaît pas de nourrir les mendiants. » Alors il saisit son fusil et dit au vagabond « Prends cette hache et va couper du bois, sinon je vais tirer. » Au coucher du soleil, il lui donne un morceau de bois et dit « Maintenant tu as un autre bâton pour en faire une soupe. Mais si tu tiens à la vie, prépare ta soupe chez quelqu'un d'autre. »